Voici en une heure de très larges extraits de Manon Lescaut, tirés des Mémoires d'un homme de qualité qui s'est retiré du monde, ouvrage écrit par l'abbé Prévost et publié en 1728. Choix des textes, résumés et enregistrements de Jean-Paul Lexis, octobre 2018, à partir de l'édition abrégée publiée en 1937 dans les classiques Larousse. J'ai également emprunté à Pierre Frémy, l'auteur de cette publication, certaines notes et l'équivalent moderne de certains mots.